Chapitre 24 des Essais de Montaigne, livre 1. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Rémi. Essai par Michel Ekem de Montaigne, livre 1, chapitre 24 du pédantisme. Je me suis souvent dépité, en mon enfance, de voir ces comédies italiennes, toujours un pédante pour badin, et le surnom de magister n'avait guère plus honorable signification parmi nous. Car, leur étant donné en gouvernement, que pouvais-je moins faire que d'être jaloux de leur réputation? Je cherchais bien de les excuser par la disconvenance naturelle qu'il y a entre le vulgaire et les personnes rares et excellentes en jugement et en savoir. D'autant qu'ils vont en train entièrement contraire les uns des autres. Mais en ceci perdais-je mon latin, que les plus galants hommes, c'étaient ceux qui les avaient le plus à mépris. Témoin notre bon du Bellay, mais je hais par surtout un savoir pédantesque. Et cette coutume ancienne, car Plutarque dit que grec et écolier étaient mots de reproche entre les Romains et de mépris. Depuis, avec l'âge, j'ai trouvé qu'on avait une grandissime raison, et que magis magnos clericos non sunt magis magnos sapientes. Mais d'où il puisse advenir qu'une âme riche de la connaissance de tant de choses n'en devienne pas plus vive et plus éveillée, et qu'un esprit grossier et vulgaire puisse loger en soi, sans s'amender, les discours et les jugements des plus excellents esprits que le monde ait portés, j'en suis encore en doute. À recevoir tant de cervelles étrangères, et si fortes et si grandes, il est nécessaire, me disait une fille, la première de nos princesses, parlant de quelqu'un, que la sienne se foule, se contraigne, rapetisse, pour faire place aux autres. Je dirais volontiers que, comme les plantes s'étouffent de trop d'humeur, et les lampes de trop d'huile, aussi fait l'action de l'esprit, par trop d'études et de matières, lequel, occupé et embarrassé d'une grande diversité de choses, perdent le moyen de se démêler, et que cette charge le tienne courbe et croupie. Mais il en va autrement, car notre âme s'élargit d'autant plus qu'elle se remplit. Et aux exemples des vieux temps, il se voit, tout au rebours, des suffisants hommes au maniement des choses publiques, des grands capitaines et grands conseillers aux affaires d'État, avoir été ensemble très savants. Et quant aux philosophes, retirés de toute occupation publique, ils ont été aussi quelquefois, à la vérité, méprisés par la liberté comique de leur temps, leurs opinions et façons les rendant ridicules. Les voulez-vous faire juge des droits d'un procès, des actions d'un homme? Ils en sont bien prêts, ils cherchent encore s'il y a vie, s'il y a mouvement, si l'homme est autre chose qu'un bœuf, que c'est qu'agir et souffrir, quelles bêtes ce sont que lois et justice. Parle-t-il du magistrat, ou parle-t-il à lui? C'est d'une liberté irrévérente et incivile. Aurait-il loué leur prince ou un roi? C'est un pâtre pour eux, oisif comme un pâtre, occupé à pressurer et tondre ses bêtes, mais bien plus rudement qu'un pâtre. En estimez-vous quelqu'un plus grand pour posséder 2000 arpents de terre? Eux s'en moquent, accoutumés d'embrasser tout le monde comme leur possession. Vous vantez-vous de votre noblesse pour compter 7 aïeux riches? Ils vous estiment de peu, ne concevant l'image universelle de nature, et combien chacun de nous a eu de prédécesseurs riches, pauvres, rois, valets, grecs, barbares. Et quand vous seriez 50e descendant de Hercule, ils vous trouvent vain de faire valoir ce présent de la fortune. Ainsi les dédaigner le vulgaire, comme ignorant les premières choses et communes, et comme présomptueux et insolents. Mais cette peinture platonique est bien éloignée de celle qu'il faut à nos hommes. On enviait cela comme étant au-dessus de la commune façon, comme méprisant les actions publiques, comme ayant dressé une vie particulière et inimitable, réglée à certains discours hautains et hors d'usage. Ceux-ci, on les dédaigne comme étant au-dessous de la commune façon, comme incapables des charges publiques, comme traînant une vie et des mœurs basses et viles après le vulgaire. Odi homines ignava opera, philosopha sententia. Quant à ces philosophes, dis-je, comme ils étaient grands en science, ils étaient encore plus grands en tout action. Et tout ainsi qu'on dit de ce géométrien de Syracuse, lequel ayant été détourné de sa contemplation pour en mettre quelque chose en pratique à la défense de son pays, qu'il mit soudain en train des engins épouvantables et des effets surpassant toute créance humaine, dédaignant toutefois lui-même toute cette sienne manufacture, et pensant en cela avoir corrompu la dignité de son art, de laquelle ses ouvrages n'étaient que l'apprentissage et le jouet. Aussi, eux, si quelquefois on les a mis à la preuve de l'action, on les a vus voler d'une aile si haute qu'ils paraissaient bien leur cœur et leur âme s'être merveilleusement grossis et enrichis par l'intelligence des choses. Mais aucun, voyant la place du gouvernement politique, saisi par des hommes incapables, s'en sont reculés. Et celui qui demanda à Cratès « Jusque à quand il faudrait philosopher ?» en reçut cette réponse « Jusque à temps que ce ne soit plus des âniers qui conduisent nos armées !» Héraclitus résigna la royauté à son frère, et aux Éphésiens, qui lui reprochaient à quoi il passait son temps, à jouer avec les enfants devant le temple, « Vaut-il pas mieux faire ceci que gouverner les affaires en votre compagnie ?» D'autres, ayant leur imagination logée au-dessus de la fortune et du monde, trouvèrent les sièges de la justice et les trônes même des rois bas et vils, et refusa Empédoclès la royauté que les Agrigentins lui offrirent. Thalès, accusant quelquefois le soin du ménage et de s'enrichir, on lui reprocha que c'était à la mode du renard pour n'y pouvoir advenir. Il lui prit envie, par passe-temps, d'en montrer l'expérience, et ayant pour ce coup ravalé son savoir au service du profit et du gain, dressa une trafique qui dans un an rapporta telle richesse qu'à peine en toute leur vie les plus expérimentés de ce métier-là en pouvaient faire de pareilles. Ce qu'Aristote récite d'aucun qui appelait et celui-là et Anaxagoras et leurs semblables sages et non prudents pour n'avoir assez de soin des choses plus utiles, outre ce que je ne digère pas bien cette différence de mots, cela ne sert point d'excuse à mes gens, et avoir la basse et nécessiteuse fortune de quoi ils se payent, nous aurions plutôt occasion de prononcer tous les deux qu'ils sont et non sages et non prudents. Je quitte cette première raison, et crois qu'il vaut mieux dire que ce mal vienne de leur mauvaise façon de se prendre aux sciences, et qu'à la mode de quoi nous sommes instruits, il n'est pas merveille si ni les écoliers ni les maîtres n'en deviennent pas plus habiles, quoiqu'ils s'y fassent plus doctes. De vrai, le soin et la dépense de nos pères ne visent qu'à nous meubler la tête de science. Du jugement et de la vertu, peu de nouvelles. Criez d'un passant à notre peuple « Oh, le savant homme !» et d'un autre « Oh, le bon homme !» Il ne faudra pas à détourner les yeux et son respect vers le premier. Il y faudrait un tiers crieur « Oh, les lourdes têtes !» Nous nous enquérons volontiers. Sait-il du grec ou du latin? Écrit-il en vers ou en prose? Mais s'il est devenu meilleur ou plus avisé, c'était le principal, et c'est ce qui demeure derrière. Il fallait s'enquérir qui est mieux savant, non, qui est plus savant. Nous ne travaillons qu'à remplir la mémoire, et laissons l'entendement et la conscience vides. Tout ainsi que les oiseaux vont quelquefois à la quête du grain, et le portent au bec, sans le tâter, pour en faire béquer à leurs petits, ainsi nos pédants vont pillotant la science dans les livres et ne la logent qu'au bout de leurs lèvres pour la dégorger seulement et mettre au vent. C'est merveille combien proprement la sottise se loge sur mon exemple. Est-ce pas faire de même ce que je fais en la plupart de cette composition? Je m'en vais écorniflant par-ci par-là des livres, les sentences qui me plaisent, non pour les garder, car je n'ai point de gardoir, mais pour les transporter en ce tuyau-ci. Ou, à vrai dire, elles ne sont non plus miennes qu'en leur première place. Nous ne sommes, se crois-je, savants que de la science présente, non de la passée, aussi peu que de la future. Mais qui pisait, leurs écoliers et leurs petits ne s'en nourrissent et alimentent non plus. Ainsi, elles passent de main en main, pour cette seule fin d'en faire parade, d'en entretenir autrui, et d'en faire des comptes, comme une vaine monnaie inutile à tout autre usage et emploite qu'à compter et jecter. Apudalios loquid dicerunt, non ipsi secum, non est loquendum sed gubernandum. Nature, pour montrer qu'il n'y a rien de sauvage en ce qu'elle conduit, fait naître souvent, est-ce nation moins cultivée par art, des productions d'esprit qui luttent les plus artistes productions? Comme, sur mon propos, le proverbe gascon tiré d'une chalumie est-il délicat? Boua prou boua, ma sa remuda lus discem. Soufflez, prou, soufflez, mais à remuer les doigts, nous en sommes là. Nous savons dire, Cicéro dit ainsi, voilà les mœurs de Platon, ce sont les mots mêmes d'Aristote. Mais nous, que disons-nous nous-mêmes? Que jugeons-nous? Autant en dirait bien un perroquet. Cette façon me fait souvenir de ce riche Romain qui avait été soigneux, à fort grande dépense, de recouvrer des hommes suffisants en tout genre de sciences qu'il tenait continuellement autour de lui, afin que, quand il échait entre ses amis quelque occasion de parler d'une chose ou d'autre, ils suppléassent en sa place et fussent tout prêts à lui fournir, qui d'un discours, qui d'un vers d'Homère, chacun selon son gibier, et pensait ce savoir être sien, parce qu'il était en la tête de ces gens, et comme font aussi ceux desquels la suffisance loge en leur somptueuse librairie. J'en connais à qui, quand je demande ce qu'il sait, il me demande un livre pour me le montrer, et n'oserait me dire qu'il a le derrière galeux s'il ne va sur le champ étudier en son lexicon que c'est que galeux et que c'est que derrière. Nous prenons en garde les opinions et le savoir d'autrui, et puis c'est tout. Il les faut faire nôtres. Nous semblons proprement celui qui, ayant besoin de feu, en irait quérir chez son voisin, et y ayant trouvé un beau et grand, s'arrêterait là à se chauffer, sans plus se souvenir d'en rapporter chez soi. Que nous sert-il d'avoir la panse pleine de viande si elle ne se digère, si elle ne se transforme en nous, si elle ne nous augmente et fortifie? Pensons-nous que Lucullus, que les lettres rendirent et formèrent si grands capitaines, sans l'expérience, les eût prises à notre mode? Nous nous laissons si fort aller sur les bras d'autrui que nous anéantissons nos forces. Me veux-je armer contre la crainte de la mort? C'est aux dépens de Sénèque. Veux-je tirer de la consolation pour moi ou pour un autre? Je l'emprunte de Cicéro. Je l'eusse prise en moi-même si on m'y eût exercé. Je n'aime point cette suffisance relative et mendiée. Quand bien nous pourrions être savants du savoir d'autrui, au moins sages ne pouvons-nous être que de notre propre sagesse. Miso sophisten hostis our auto sophos. Je hais le sage qui n'est pas sage pour soi-même. Ex quo ennius, ne quidquam sapere sapientem, qui ipse sibi prudesse non quiret. Si cupidus, si vanus, et euganea quantum vis mollior agna. Non enim paranda nobis solum, sed fluenda sapientia est. Dionysius se moquait des grammairiens, qui ont soin de s'enquérir des mots d'Ulysse, et ignorent les propres. Des musiciens qui accordent leur flûte, et n'accordent par leurs mœurs. Des orateurs qui étudient à dire justice, non à la faire. Si notre âme n'en va un meilleur branle, si nous n'en avons le jugement plus sain, j'aimerais aussi cher que mon écolier eût passé le temps à jouer à la paume. Au moins le corps en serait plus allègre. Voyez-le revenir de là, après 15 ou 16 ans employés, il n'est rien si malpropre à mettre en besogne. Tout ce que vous y reconnaissez davantage, c'est que son latin et son grec l'ont rendu plus sot et présomptueux qu'il n'était parti de la maison. Il en devait rapporter l'âme pleine, il ne l'en rapporte que bouffie, et l'a seulement enflée au lieu de la grossir. Ces maîtres ici, comme Platon dit des sophistes, leurs germains, sont de tous les hommes ceux qui promettent d'être les plus utiles aux hommes, et seuls entre tous les hommes, qui non seulement n'amendent point ce qu'on leur commet, comme fait un charpentier et un maçon, mais l'empirent et se font payer de l'avoir empiré. Si la loi que Protagoras proposait à ses disciples était suivie, ou qu'ils le payassent selon son mot, ou qu'ils jurassent au temple combien ils estimaient le profit qu'ils avaient reçu de sa discipline, et selon qui celui satisfisse sa peine, mes pédagogues se trouveraient choués, s'étant remis au serment de mon expérience. Mon vulgaire périgourdin appelle fort plaisamment l'être ferri ses savantaux, comme si vous disiez l'être féru, auquel les lettres ont donné un coup de marteau, comme on dit. De vrai, le plus souvent, il semble être ravalé, même du sens commun, car le paysan et le cordonnier, vous leur voyez aller simplement et naïvement leur train, parlant de ce qu'ils savent. Ceux-ci, pour se vouloir élever et gendarmer de ce savoir qui nage en leur superficie de leur cervelle, vont s'embarrassant et empêtrant sans cesse. Il leur échappe de belles paroles, mais qu'un autre les accommode. Ils connaissent bien Galien, mais nullement le malade. Ils vous ont déjà rempli la tête de lois, et si, n'ont encore conçu le nœud de la cause. Ils savent la théorique de toutes choses, cherchez qui la mette en pratique. J'ai vu chez moi un mien ami, par manière de passe-temps, ayant affaire à un de ceux-ci, contrefaire un jargon de Galimatia, propos sans suite, tissu de pièces rapportées, sauf qu'il était souvent entrelardé de mots propres à leurs disputes, amuser ainsi tout un jour ce sot à débattre, pensant toujours répondre aux objections qu'on lui faisait. Et si était homme de lettres et de réputation, et qui avait une belle robe. Vos, o patricius sanguis, quos vivere parest occipiti caeco, postique occurite sanae. Qui regardera de bien près à ce genre de gens, qui s'étant bien loin, il trouvera comme moi que le plus souvent ils ne s'entendent ni autrui, et qu'ils ont la souvenance assez pleine, mais le jugement entièrement creux, sinon que leur nature d'elle-même le leur est autrement façonnée. Comme j'ai vu Adrianus Turnebus, qui n'ayant fait autre profession que de lettres, en laquelle c'était à mon opinion le plus grand homme qui fût il y a 1000 ans, n'ayant toutefois rien de pédantesque que le port de sa robe, et quelques façons externes qui pouvaient n'être pas civilisées à la courtisane, qui sont choses de néant, et haine aux gens qui supportent plus malaisément une robe qu'une âme de travers, et regardent à sa révérence, à son maintien et à ses bottes quel homme il est, car au-dedans c'était l'âme la plus polie du monde. Je l'ai souvent à mon escient jeté en propos éloigné de son usage. Il y voyait si clair, d'une appréhension si prompte, d'un jugement si sain, qu'il semblait qu'il n'eût jamais fait autre métier que la guerre et affaires d'État. Ce sont natures belles et fortes, quis arte benigna et meliore luto finxit precordia titan, qui se maintiennent au travers d'une mauvaise institution. Or ce n'est pas assez que notre institution ne nous gâte pas, il faut qu'elle nous change en mieux. Il y a aucun de nos parlements, quand ils sont à recevoir des officiers, qui les examinent seulement sur la science. Les autres y ajoutent encore l'essai du sens, en leur présentant le jugement de quelque cause. Ceux-ci me semblent avoir un beaucoup meilleur style, et encore que ces deux pièces soient nécessaires, et qu'il faille qu'elles s'y trouvent toutes deux, si est-ce qu'à la vérité celle du savoir est moins prisable que celle du jugement. Celle-ci se peut passer de l'autre, et non l'autre de celle-ci. Car comme dit ce vers grec, « Os, ouden e mathesis, en me nous pare. » À quoi faire la science si l'entendement n'y est ? Plût à Dieu que pour le bien de notre justice, ces compagnies-là se trouvassent aussi bien fournies d'entendement et de conscience, comme elles sont encore de science. Non vitae, sed scolae discimus. Or, il ne faut pas attacher le savoir à l'âme, il l'y faut incorporer. Il ne l'en faut pas arroser, il l'en faut teindre. Et s'il ne la change, et améliore son état imparfait, certainement il vaut beaucoup mieux le laisser là. C'est un dangereux glaive, et qui empêche et offense son maître, s'il est en main faible et qui n'en sache l'usage. Ut fuerit melius non didicisse. À l'aventure, est-ce la cause que, et nous, et la théologie, ne requérons pas beaucoup de science aux femmes, et que François, duc de Bretagne, fils de Jean V, comme on lui parla de son mariage avec Isabeau, fille d'Écosse, et qu'on lui ajouta qu'elle avait été nourrie simplement et sans aucune instruction de lettres, répondit qu'il l'en aimait mieux, et qu'une femme était assez savante quand elle savait mettre différence entre la chemise et le pourpoint de son mari. Aussi, ce n'est pas si grande merveille, comme on crie, que nos ancêtres n'aient pas fait grand état des lettres, et qu'encore aujourd'hui elles ne se trouvent que par rencontre aux principaux conseils de nos rois. Et si cette fin de s'enrichir, qui seule nous est aujourd'hui proposée, par le moyen de la jurisprudence, de la médecine, du pédantisme et de la théologie encore, ne les tenait en crédit, vous les verriez sans doute aussi marmiteuses qu'elles furent tonques. Quel dommage, si elles ne nous apprennent ni à bien penser ni à bien faire. Postquam docti prodierunt, boni desunt. Toute autre science est dommageable à celui qui n'a la science de la bonté. Mais la raison que je cherchais tantôt serait-elle pas aussi de là que notre étude en France, n'ayant quasi autre but que le profit, moins de ceux que nature a fait naître à plus généreux office que lucratif, s'adonnant aux lettres, ou si courtement, retiré, avant que d'en avoir pris le goût, à une profession qui n'a rien de commun avec les livres, il ne reste plus ordinairement, pour s'engager tout à fait à l'étude, que les gens de basse fortune qui y quêtent des moyens à vivre. Et de ces gens-là, les âmes étant, et par nature, et par institution domestique et exemple, du plus bas aloi, rapportent faussement le fruit de la science. Car elle n'est pas pour donner jour à l'âme qui n'en a point, ni pour faire voir un aveugle. Son métier est, non de lui fournir de vue, mais de la lui dresser, de lui régler ses allures, pourvu qu'elle ait de soi les pieds et les jambes droites et capables. C'est une bonne drogue que la science, mais nulle drogue n'est assez forte pour se préserver sans altération et corruption, selon le vice du vase qui l'étuie. Telle a la vue claire qui ne l'a pas droite, et par conséquent voit le bien et ne le suit pas, et voit la science et ne s'en sert pas. La principale ordonnance de Platon en sa République, c'est donner à ses citoyens, selon leur nature, leur charge. Nature peut tout et fait tout. Les boiteux sont malpropres aux exercices du corps, et aux exercices de l'esprit, les âmes boiteuses. Les bâtardes et vulgaires sont indignes de la philosophie. Quand nous voyons un homme mal chaussé, nous disons que ce n'est pas merveille s'il est chaussetier. De même, il semble que l'expérience nous offre souvent un médecin plus mal médeciné, un théologien moins réformé et coutumièrement un savant moins suffisant que tout autre. Aristocius avait anciennement raison de dire que les philosophes nuisaient aux auditeurs, d'autant que la plupart des âmes ne se trouvent propres à faire leur profit de telle instruction qui, si elle ne se met à bien, se met à mal. Asotous ex Aristippi, acerbos ex Zenonis scola exire. En cette belle institution que Xénophon prête aux Perses, nous trouvons qu'ils apprenaient la vertu à leurs enfants comme les autres nations font les lettres. Platon dit que le fils aîné, en leur succession royale, était ainsi nourri. Après sa naissance, on le donnait, non à des femmes, mais à des eunuques de la première autorité autour des rois, à cause de leur vertu. Ceux-ci prenaient charge de lui rendre le corps beau et sain, et après 7 ans, le duisaient à monter à cheval et à aller à la chasse. Quand il était arrivé au 14e, ils le déposaient entre les mains de 4, le plus sage, le plus juste, le plus tempérant, le plus vaillant de la nation. Le premier lui apprenait la religion, le second à être toujours véritable, le tiers à se rendre maître des cupidités, le quart à ne rien craindre. C'est chose digne de très grande considération que, en cette excellente police de Lycurgus, et à la vérité monstrueuse par sa perfection, si soigneuse pourtant de la nourriture des enfants comme de sa principale charge, et au gîte même des muses, il s'y fasse si peu de mention de la doctrine. Comme si cette généreuse jeunesse, dédaignant tout autre joug que de la vertu, en lui ait dû fournir, au lieu de nos maîtres de science, seulement des maîtres de vaillance, prudence et justice. Exemple que Platon a suivi en ses lois. La façon de leur discipline, c'était leur faire des questions sur le jugement des hommes et de leurs actions. Et s'ils condamnaient et louaient ou ce personnage ou ce fait, il fallait raisonner leur dire. Et par ce moyen, ils aiguisaient ensemble leur entendement et apprenaient le droit. Astyages, en Xénophon, demande à Cyrus compte de sa dernière leçon. « C'est, dit-il, qu'en notre école, un grand garçon, ayant un petit seil, le donna à l'un de ses compagnons de plus petite taille, et lui ôta son seil, qui était plus grand. Notre précepteur m'ayant fait juge de ce différend, je jugeai qu'il fallait laisser les choses en cet état, et que l'un et l'autre semblaient être mieux accommodés en ce point. Sur quoi il me remontra que j'avais mal fait, car je m'étais arrêté à considérer la bienséance, et il fallait premièrement avoir pourvu à la justice, qui voulait que nul ne fût forcé en ce qui lui appartenait. Et dit qu'il en fut fouetté, tout ainsi que nous sommes en nos villages, pour avoir oublié le premier aoriste de Tupto. Mon régent me ferait une belle harangue, in genero demonstrativo, avant qu'il me persuadât que son école vaut cette-là. Ils ont voulu couper chemin, et puisqu'il est ainsi que les sciences, lors même qu'on les prend de droit fil, ne peuvent que nous enseigner la prudence, la prudomie et la résolution, ils ont voulu d'arriver mettre leurs enfants au propre des effets et les instruire, non par ouïr dire, mais par l'essai de l'action, en les formant et moulant vivement, non seulement de préceptes et paroles, mais principalement d'exemples et d'œuvres, afin que ce ne fût pas une science en leur âme, mais sa complexion et habitude, que ce ne fût pas un acquis, mais une naturelle possession. À ce propos, on demandait à Agésilaus ce qu'il serait d'avis que les enfants apprissent. Ce qu'ils doivent faire étant hommes, répondit-il. Ce n'est pas merveille si une telle institution a produit des effets si admirables. On allait, dit-on, aux autres villes de Grèce chercher des rhétoriciens, des peintres et des musiciens, mais en Lacédémone, des législateurs, des magistrats et empereurs d'armée. À Athènes, on apprenait à bien dire, et ici à bien faire. Là, à se démêler d'un argument sophistique et à rabattre l'imposture des mots captieusement entrelacés. Ici, à se démêler des appâts de la volupté et à rabattre d'un grand courage les menaces de la fortune et de la mort. Cela sans besogner après les paroles, ceci après les choses. Là, c'était une continuelle exercitation de la langue. Ici, une continuelle exercitation de l'âme. Par quoi il n'est pas étrange si Antipater, leur demandant 50 enfants pour otages, ils répondirent, tout au rebours de ce que nous ferions, qu'ils aimaient mieux donner 2 fois autant d'hommes faits, tant ils estimaient la perte de l'éducation de leur pays. Quant à Agésilaüs convie Xénophon d'envoyer nourrir ses enfants à Sparte, ce n'est pas pour y apprendre la rhétorique ou dialectique, mais pour apprendre, se dit-il, la plus belle science qui soit, à savoir la science d'obéir et de commander. Il est très plaisant de voir Socrate, à sa mode, se moquant de Hippias, qui lui récite comment il a gagné, spécialement en certaines petites villettes de la Sicile, bonnes sommes d'argent à régenter, et qu'à Sparte, il n'a gagné pas un sol. Que ce sont gens idiots, qui ne savent ni mesurer ni compter, ne font état ni de grammaire ni de rythme, s'amusant seulement à savoir la suite des rois, établissements et décadences des États, et tel fatras de comptes. Et au bout de cela, Socrate, lui faisant avouer par le menu l'excellence de leur forme de gouvernement public, l'heure et vertu de leur vie privée, lui laisse deviner la conclusion de l'inutilité de César. Les exemples nous apprennent, et en cette martiale police et en toutes ses semblables, que l'étude des sciences amollit et effémine les courages plus qu'il ne les fermite et aguerrit. Le plus fort état qui paraisse pour le présent au monde est celui des Turcs, peuples également duits à l'estimation des armes et mépris des lettres. Je trouve Rome plus vaillante avant qu'elle fût savante. Les plus belliqueuses nations, en nos jours, sont les plus grossières et ignorantes. Les Scythes, les Parthes, Tamburlans, nous servent à cette preuve. Quand les Goths ravagèrent la Grèce, ce qui sauva toutes les librairies d'être passées au feu, ce fut un d'entre eux qui sema cette opinion qu'il fallait laisser ce meuble entier aux ennemis, propre à les détourner de l'exercice militaire, et amuser à des occupations sédentaires et oisives. Quand notre roi Charles VIII, quasi sans tirer l'épée du fourreau, se vit maître du royaume de Naples et d'une bonne partie de la Toscane, les seigneurs de sa suite attribuèrent cette inespérée facilité de conquête à ce que les princes et la noblesse d'Italie s'amusaient plus à se rendre ingénieux et savants que vigoureux et guerriers. Fin du chapitre 24.